Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Aujourd'hui, le catch, Attrape-moi comme tu peux, un documentaire d'Alain Lefkovitch réalisé par Rafik Zénine. Au départ de ce documentaire, il y a le sport qu'on n'a pas fait, les matchs qu'on n'a pas regardés, les gestes qu'on n'a pas pratiqués, et cet enthousiasme qu'on ne partage pas mais qui fait bien envie, surtout quand on est à la frontière du spectacle, du sport et des paillettes. Alors pour commencer, les personnages. Un champion de France, un arbitre qui a lutté, Lino Ventura, une spectatrice assidue, une divine gentille et un connaisseur à la pointe. Ensuite, le décor. L'Oise et le Pas-de-Calais, un ring de la technique, des costumes et des noms de scène, des blessures, un drapeau, du lard ou du cochon, de la nostalgie, de la triche et des dédicaces. Mais là, on sort du ring. Je l'ai eu, le gros. Je l'ai battu, le gros. Je l'ai battu, ce gros. Première fois qu'il perd en défi poids libre. Première fois de sa vie. Et c'est moi qui le bats. Je l'ai battu, gros, je l'ai battu. Putain, je l'ai battu. J'ai tout donné, mais je l'ai battu. Ça fait je sais pas combien de fois que je l'affronte, Scott Ryder. Je sais pas combien de fois. Je l'ai jamais battu. Là, ce soir, je l'ai battu. Ce soir, j'étais plus fort. C'est moi le plus fort. Oh, quel pied. Wouh! Attrape-moi comme tu peux, par Alain Lefkovitch et Rafik Zénine. Et oui, à Méru, dans l'Oise, comme à Fontaine-aux-Pires, dans le Nord, Jimmy Gavroche, Flèche Gordon, Divine Isabella, Jerry Mota et Tom Larufa, Mickey Trash, Cybernic Machine et les autres catcheurs de la Wrestling Star, la fédération française mais non moins internationale de catch sportif, vont écrire une nouvelle page de ce grand livre du gimmick. Chiqué ou pas chiqué, l'ambiance est digne des grands spectacles du cirque, passionnée, délirante, parfois hystérique. Ces gladiateurs virtuoses de la soumission, de la manchette, de la corde à linge et du marteau pilon s'apprêtent à s'attraper comme ils le peuvent. Le rideau va se lever sur le méchant, le gentil, le bagarreur, l'hardcore, le voltigeur, la locomotive, le technicien et le showman. Chacun va afficher son état d'âme et représenter au public populaire une lecture immédiate et comme exhaustive de son mobile. Alors, place au jeu, enfin, au sport. Ben moi c'est Jimmy Gavroche, le catcheur, le champion de France en titre et le représentant de Paris. Je suis assez connu un peu partout en Europe et puis champion de France en titre, pour une carte c'est pas mal à 23 ans. Gavroche pourquoi ? Parce que apparemment je suis un petit peu revanchard, j'ai un côté un petit peu suicidaire, ça veut dire que quand je vois un gros catcheur, je sais pas pourquoi, faut que j'y aille. Puis j'ai une petite façon de penser, pour moi un ring c'est une barricade, faut y aller, faut foncer, on part à l'assaut, on y va, on cogne, il n'y a pas de problème. Et puis je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, j'adore ma ville, donc je suis représentant de Paris au niveau du catch. Voilà Gavroche. Donc là on est chez vous ici à Paris dans le 15e, on va se préparer, qu'est-ce que vous emmenez dans votre besace ce soir pour aller à Méru? On va voir ça, on va préparer la valise. La petite valise de catch. Ça, c'est mon bien le plus précieux. Alors, première chose, trousse de toilette, elle est là. Mon petit sac pour voir si j'ai tout ce qu'il me faut. Ma petite casquette de Gavroche. Le drapeau de France. Je sors pas de la France, mais je le prends toujours. Et du tape. Alors le tape, c'est un petit scotch que je fais venir directement des États-Unis qui protège bien les poignets, parce que c'est fait exprès pour ça, c'est une petite colle qui permet qu'on n'ait pas d'allergie, puis c'est bien résistant à la sueur. C'est un petit produit qui coûte cher, mais qui vaut le coup. Donc on a tout ça. Alors pour la suite, on commence avec les chaussures de catch. Alors ça, c'est des chaussures que j'ai commandées au Mexique, qui ont été faites sur mesure. Donc c'est des vraies chaussures professionnelles. Qui commence à avoir pris quelques coups. Faut savoir qu'une paire de chaussures, ça dure à peu près un an. Là, j'ai une nouvelle qui va me venir des États-Unis, qui devrait arriver dans pas longtemps. Donc, première chose, les chaussures. C'est très important d'avoir des bonnes chaussures de catch. Alors, la particularité de ces chaussures, c'est d'avoir des semelles qui vont bien résister à mes chutes, d'être renforcées au niveau des chevilles pour pas que je me les casse. Et surtout d'avoir un cuir qui est extrêmement léger. On commence toujours avec les petits sous-vêtements. Et ouais, hop, des sous-vêtements de rechange après le gala. Des sous-vêtements pour pendant le gala. Et une paire de chaussettes longues, parce que les bottes, elles sont hautes, et c'est pas mal, et en plus ça protège les genoux avec les Protec. Alors attends, je vais prendre un petit sac. J'aime bien que tout soit bien rangé. C'est pour ça que mon truc, c'est d'utiliser des petits sacs. Comme ça, je suis certain que tout est bien. Alors là, j'ai les sous-vêtements. Et je vais mettre directement un petit foulard, qui est un des symboles de Paris, que j'emporte toujours au gala. Parce que j'aime bien faire voir que je suis parisien, j'aime bien ma ville. C'est de là que je viens. Alors là, c'est votre costume. Ça s'appelle un costume ? Ça s'appelle une tenue. C'est ma tenue de Gavroche, ma tenue de catch. Dans le catch, on a des tenues qui sont toujours un petit peu colorées, faut donner un petit peu de spectacle. C'est un sport-spectacle. C'est pas un spectacle à part entière. On a 10% de spectacle. Faut quand même le donner. Donc moi, mon pantalon, il est tout simple. C'est un pantalon de catch en lycra, aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, avec marqué Jimmy derrière, puis des petits motifs tribales. sympathique. Alors avec ça, bah, je prends toujours des t-shirts. Alors j'ai un t-shirt en maille synthétique qui est super pour l'échauffement parce que bah, ça maintient bien la chaleur. Et mon t-shirt number one, parce que je fais équipe avec Bernard Vandamme, qui est le champion d'Europe en titre, champion d'Europe Open. Donc bah, si jamais je fais équipe avec lui pendant ce week-end, on mettra le t-shirt. Parce que là, vous ne savez pas encore comment ça va se passer, avec qui vous allez faire équipe. Tout ça va se décider en arrivant à Méru. Tout ça va se décider quand je vais arriver. Je ne sais pas du tout contre qui je vais catcher. Je ne sais pas du tout si je fais un match solo, un match en équipe. Je ne sais rien. Je le verrai quand je vais arriver. Et même des fois, je le sais quand je suis sur le ring. C'est assez marrant, ça. Mais alors, dites-moi, on dit toujours le catch, c'est du chiquet. Ça veut dire quoi, exactement ? Bah, ça veut rien dire, parce que déjà, le mot chiquet ne fait pas partie du dictionnaire français. Et la deuxième chose, on dit toujours que le catch, c'est un petit peu truqué, c'est dit à l'avance, tout ça. Alors moi, c'est marqué sur ma ceinture, je suis champion de France de catch sportif. Ça signifie que moi, quand je vais faire un gala de catch, je vais avoir mon costume de Gavroche, ma petite casquette, je vais faire un petit peu de show pour entrer sur le ring. Mais dès que je suis dans le ring, dès que la cloche elle a sonné, le mec qui est en face de moi, je le cogne. Je l'allume, et bah, c'est le meilleur qui gagne. Mais on porte les coups ? Bah, bien sûr que tu portes les coups. C'est un vrai sport, sinon je serais champion de quoi ? On est prêt, on y va ? Il a été surnommé le cadre de Paris. Il pèse 85 kilos. Il est l'actuel champion de France des poids moyens. Thierry Gavroche ! Il a accepté de rencontrer ce soir celui qui pèse 132 kilos les 32, franco-écossais. À la radio, on ne le voit pas. Mais je vous le dis, que vous avez vu comment ça se fait, pour dire aux auditeurs comment ça se fait. Alors, il l'enfourche, il le prend comme ça, il le lève, il le jette. C'est un enfourchement. C'est dans les cordes. Ça, c'est un coup de bélier. Close d'Arles. Deuxième. Troisième. Chassé. Bien chassé. Ah, super. Super réaction. Ouais. Rentre dedans comme ça. Là. Planchette japonaise. Ouais. Ça c'est un super. Ça c'est un coup d'avant-bras extraordinaire. Résumer ce combat. Résumer le combat. Bah il est venu, il a vu, puis il est reparti. Quand tu fais 85 kilos, que tu gagnes contre un mec qui en fait presque 130, là tu peux dire que t'es un bon. Là, il n'y a personne d'autre qui peut dire que t'es un mauvais. Là, t'es un bon, mon pote. Là, je l'ai eu. Là, je l'ai passé, le gros. En plus, il a essayé. T'as vu, il a essayé. Il était étranglement. Il tire les cheveux. Il tenait les coups dans le plexus. Il y va, le mec. Il respecte pas les règles. Et ben, même comme ça, même avec la différence de poids, le mec, je l'ai battu. C'est qui le prochain ? Je suis chaud, là. Alors, vous l'avez passé par-dessus la troisième corde. Ça veut dire quoi ? C'est un match défi poids libre. Ça veut dire que je pouvais gagner le match en le faisant abandonner, en lui bloquant les deux épaules au sol pendant 3 secondes, ou en le passant par-dessus la troisième corde, vu que lui, il avait eu un avantage du poids, moi, j'ai eu l'avantage de le virer du ring. Je l'ai viré du ring, j'ai gagné. J'ai essayé, à un moment, je lui ai pris la tête pour lui faire un tour de hanche, ça veut dire essayer de le passer par-dessus moi, enfin, le faire tomber contre moi pour qu'il aille au sol. J'ai pas réussi, beaucoup trop lourd, il m'a contré. J'ai réussi une deuxième fois, mais ce coup-ci, je me suis aidé des cordes. Hein. J'ai posé mes pieds sur les cordes. Là, j'ai réussi. Parce que j'ai eu un bien meilleur appui, puis j'ai eu un genre de force d'inertie. J'ai réussi à. J'ai essayé des clotheslines, c'est des coups de bras que tu mets dans la poitrine pour balayer le mec, le foutre par terre. J'ai pas réussi. Bah, encore une fois, il est trop gros. J'ai essayé un saut chassé. Ça, c'est. Tu lui mets les deux pieds en l'air dans la gueule d'un coup, les deux pieds en l'air dans la tronche. Là j'ai réussi, là il est tombé, là il s'est bien pris, en plus il s'y attendait pas, donc là je suis super content de moi. Après j'ai fait quoi, j'ai réussi à lui bloquer le bras, j'ai réussi à lui faire une clé de bras un moment, puis j'ai réussi à le soulever, surtout j'ai réussi à soulever ce gros mec et à le foutre dehors. Je crois que c'est ce truc qu'il y a à retenir. Merci. Bonne soirée. Merci. Même à plus, il te donnait un ticket. Un ticket pour rentrer. Pas de ticket, tu peux pas rentrer. D'accord. Ah voilà, tu vas voir la demoiselle qui est là-bas, elle va donner un ticket. Voilà, toi aussi. Vas-y. Bonsoir. Toi aussi. Une place. Alors, une ça place. Va ça va. Là-bas, vous attendez les parents les plus côté. Surtout, vous conservez bien votre ticket. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir. Une place. Oui, une place. Alors, 4 euros. Merci. Amusez-vous bien. Merci, vous aussi. Ben à l'époque, j'étais le petit duc. Hein? J'étais une star, j'ai eu mon époque, quoi, voilà. Mais je viens surtout de la lutte amateur, moi. J'ai été plusieurs fois champion. Après, je suis tourné dans le catch, parce que comme tout lutteur amateur, à un âge, j'étais arrivé. Je suis parti dans le catch, et puis j'ai catché jusqu'à 50 ans. Il y a 50 ans, j'ai arrêté, moi. Et maintenant, je suis arbitre et puis officiel à la WS. C'était quoi votre tenue ? Tout en blanc, avec une cape. Et d'où vous est venue cette idée de personnage ? Ben bêtement, parce que si vous voulez, quand j'ai arrêté la lutte, je faisais un peu de catch. Alors là, on était en quelle année à peu près ? Oh, on était dans les années 70. Et la Fédération Française de Lutte avait une section catch qu'on appelait... On avait notre licence de catch amateur par la Fédération Française de Lutte. Donc on en faisait tous un peu de catch dans tous les clubs. Et puis bon, ben moi j'ai continué tout ça, j'avais un club à moi, j'avais une section catch et tout. Puis on faisait comme ça un peu de catch pour, disons, animer, moi j'habitais à Lille, mettons les fêtes de Lille, on a un pote à Madrid, on faisait un peu de catch, tout ça pour animer Lille, quoi. Enfin, pour remercier un peu la commune de ce qu'elle faisait pour nous. Et puis après, bon, il y a quelqu'un qui m'a remarqué, il m'a fait travailler. Et ça s'est passé bêtement que je me suis appelé le petit duc, parce qu'il y avait normalement à l'affiche, c'était M. Marton, hein, qui était un promoteur de catch à ce temps-là, un très grand promoteur. Il y avait mis le petit prince à l'affiche, mais le petit prince s'était blessé. Donc comme il m'avait vu, il m'a fait appel, il m'a dit, écoute, tu vas prendre une tenue à peu près semblable, et on va t'appeler le petit duc. Et puis j'ai le nom du petit duc. Dans le temps, moi-même, tout catcher, on était ouvrier dans la vie. Donc, physique, ben moi, j'ai eu la chance d'avoir des contrats d'athlète de haut niveau grâce à la lutte. Et je suis terminé chef d'atelier à la communauté urbaine de Lille. Et puis, je faisais le catch en divertissement, comme on dit, en sport, pour dire de maintenir la forme, tout ça. Tandis qu'à l'heure actuelle, un catcheur ne peut plus dire d'avoir un emploi derrière, c'est pas possible. Mais alors vous, par exemple, quand vous faisiez vos galas de catch, vous touchiez rien Ben, je vais vous dire mon salaire, j'ai pas peur de l'annoncer, du temps de monsieur Delapote, je touchais à ce temps-là 200 francs, je vais dire, enfin c'était 20 000 francs, mais je vais dire 200 francs, et j'avais mon sandwich et ma boisson pour retourner chez moi. À l'heure actuelle, ben, les jeunes sont défrayés entre les 400 et 50 et 40 euros. Et plus le défraiement des habits, tout ça, leurs frais de transport tout payé, l'hôtel et tout. Tout ça, c'est des frais qui s'engendrent, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, quand M. Vanhul endosse l'habit du petit duc, il change de personnalité ? Ah, c'est pas le même. Quand je mettais l'habit du petit duc, j'étais catcheur. Maintenant que je mets mon habit d'arbitre ou de présentateur, quand on me demande de faire le présentateur, quand la WS décide du rôle que je dois faire, bon ben là je deviens arbitre et puis c'est tout. Et j'ai pas la même mentalité aussi bien arbitre que j'étais catcheur. Quand on est catcheur, on est aussi un peu comédien ? C'est pas du tout, on dit comédien sans être comédien. C'est-à-dire qu'il faut bien se comprendre, c'est que le catch, dans le temps c'était un catch, on va dire comédie, du temps de la porte, tout ça. Parce que c'était souvent au milieu du ring. Dans le temps, on prenait les coups et on tapait n'importe comment, alors pour pas faire mal, on tapait pas du tout. Et ça, c'était ce qu'on appelle le catch comédie. Et les gens s'imaginent que c'est encore à l'heure actuelle comme dans le temps, et c'est fou. Et maintenant, ils apprennent à prendre les coups en vrai, mais ils apprennent à les recevoir. Hein, moi-même, en tant que voltigeur dans le temps, je me suis retrouvé avec les côtes cassées, les vertèbres fêlées, tout ça. Voltigeur, c'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire que je faisais sauterieux, tout ça. J'ai pas un poids lourd, j'ai pas un monsieur muscle. Donc c'était beaucoup à la souplesse, la technique et tout. Oui, parce que vous faites combien ? Moi, je fais 54 kilos. Pour 1m65. Là, c'est pas beaucoup. Mais c'était ça, là, qu'on dit, la technique. On se servait beaucoup de technique et de souplesse. Tandis que maintenant, bon, le catch est devenu un peu plus puritain, beaucoup plus dur. On a des monstres, comme vous voyez, de 130 kilos. Il faut bien se dire que ces gens-là, quand ils font un saut périlleux de la troisième corde, ils ont 135 kilos à lever et à retourner. Alors quand on dit que c'est du cinéma, moi je veux bien, mais je demande à n'importe qui de le faire à leur place. Alors la troisième corde, elle est à quoi ? 2 mètres du sol, 2 mètres 50 du sol ? Elle est à 2 mètres 50 du sol. Donc moi j'appelle plus ça du sport, du spectacle, j'appelle ça du sport. Parce que pour faire ça, il faut s'entraîner. Il y a des heures d'entraînement, des heures de musculation, des heures d'écoute auprès des entraîneurs et tout. Donc je pense que là, on peut dire que c'est du catch sportif. Que dans le temps, on disait, ouais, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Et pourtant, ça marchait. Ça marchait, pourquoi ? Parce qu'il y avait la télévision, monsieur. Il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Roger Coudert, monsieur Dergé. Il y avait des émissions à la télé. Et les gens, ils y croyaient parce que c'était, on va dire, un spectacle populaire. Mais vous dites il y a la télé, mais après-guerre, il y avait les grandes salles de catch, il n'y avait pas la télé, c'était un spectacle populaire, les salles étaient combles. Pas tout à fait, la boxe était plus forte que le catch à ce temps-là. Ouais, si vous suivez bien le sport, là on va en parler un peu, il y avait quand même du Cerdan qui venait de décéder, après il y a eu Halimi, il y a eu ci, il y a eu là. À l'heure actuelle, c'est l'inverse, c'est le catch qui passe au-dessus de la boxe. Pourquoi ? Parce que c'est tellement devenu d'un niveau sportif, hein, quand vous voyez qu'un garçon qui lutte aujourd'hui, actuellement, que ce soit depuis Flèche Gordon jusqu'au plus petit niveau, il faut casser 3 jours d'entraînement par semaine, c'est-à-dire 24 heures, réparties sur 5 jours avant d'aller en gala. Et c'est obligatoire. Maintenant, pour monter sur un ring, dans le temps, vous savez, vous allez faire quelques acrobaties, vous prenez les gens comme M. Delaporte, tout ça, au bout d'un certain temps, vous disiez, bon, ben vas-y, on va t'essayer sur le ring. À l'heure actuelle, il y a des cordes à passer qui sont des grades, hein, et on peut pas monter tant qu'on n'a pas la troisième corde. Ce qui nous donne à peu près 5 ans d'entraînement en salle avant de pouvoir monter sur un ring, ce qui est quand même énorme. Alors, quand on parle du Petit Duc, du Petit Prince, de l'Ange Blanc, c'est des gens que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on ne connaît plus Jimmy Gavroche, on ne connaît pas Divine Isabella. Mais il faut apprendre à les connaître, justement. C'est les nouvelles stars. C'est les stars montantes. Ce qui me fait rire, c'est que c'est des gens qui sont français. Et en France, on ne les connaît pas. Vous allez à l'étranger, on les connaît. Pourquoi ? Parce que les Français, à l'heure actuelle, ils ont toujours cette image dans la tête de dire « Ouais, c'est du cinéma. » Et c'est faux. Il y a un personnage que tout le monde connaît, qui a été champion de catch, Lino Ventura. Lino. Oui, mais Lino, il n'y a jamais dit dans sa carrière, si vous suivez ses interviews, il n'y a jamais dit le mot « catch ». Il a toujours dit « J'étais lutteur. » Quoi, il avait honte ? Non. C'est parce que, comme il disait, et c'est pour ça qu'il n'a pas continué un peu le catch, lui, quand il était sur un ring, il tapait pour lui. Ouais. Pour lui, là, c'était pas. Lui avait le catch, il ne faut pas oublier que le mot catch, ça veut dire ciné-théâtre. Hein. Et puis donc, lui, il a dit non, moi je ne fais pas de catch, moi je suis sur un ring, c'est pour gagner. Bon. Qu'est-ce que vous avez dit, catch, ça veut dire cinéma, théâtre ? Ben, dans le temps, le mot catch disait ça. C'est faire des prises de main à main. Attrape-moi comme tu peux. Donc, je ne vois pas pourquoi qu'on a dit que le catch, c'est du cinéma. C'est ça que je comprends pas. Ça abîme, le catch. Oui. Ça se remarque au visage, non? Ça abîme. Hein, j'ai des cassures partout, j'ai quand même une fuite de la moelle épinière, 8 mois dans une chaise roulante. Donc je peux vous dire que ça abîme. Mais quand on y croit, on y croit. Quand on aime, on aime. C'est tout. Bonsoir, une place adulte et 3 enfants. Une place adulte et 3 enfants. Donc les enfants, vous allez prendre le ticket, la petite jeune fille blonde. Jeune fille, par ici. Si vous êtes mineur, allez-y directement. Voilà. Bien, Mandy. Vous êtes mineur, allez-y directement là-bas. Avec les adultes qu'on va arrêter ici. Les enfants, hop, on les envoie. Alors pourquoi les mineurs, on les envoie là-bas? Parce que les mineurs ne payent pas, tout simplement. Accompagnés d'un adulte, obligatoirement. Alors, monsieur le maire, 42e édition, 43e. Oui, alors c'est depuis 1968. Enfin, de fait, en 1968, on a rencontré Ben Chemoul. J'avais jamais vu de catch. Alors, il me dit... Alors, mais c'est qui, Ben Chemoul? C'était la référence, je veux dire, même pas française, la référence européenne. Donc, on avait pris le meilleur pour avoir tout de suite un très beau gala. Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances? Ben, je suis allé le voir exprès à Paris. J'essayais d'avoir ses coordonnées. On a pris rendez-vous et il m'a reçu un soir, rue Dauphine, à Paris. Donc, c'est là où on a traité directement entre lui et nous. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est que tout a été, disons, mis sur pied verbalement et chacun a respecté strictement ce qui avait été convenu verbalement. Donc, à l'origine, on n'a même pas eu de contrat écrit, mais on a eu le respect des uns et des autres. Mais alors, vous me dites, je connaissais pas le catch et je vais contacter Ben Chemoul. Pourquoi est-ce que vous décidez un jour de faire venir le catch ici, à la Fontaine aux Pierres? Alors, je vous ai expliqué, on avait fait le grand spectacle avec Jean Suny, qui était le cascadeur de taille européenne et qui passait dans tous les films de cascade. C'était Jean Suny qui assurait le côté cascade, quoi. Hein. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes jeunes, vous? Non? Jean Suny, non? Ça vous dit rien? Bon. Bon, par hasard, moi, j'ai vu une affiche donc qui parlait de catch, et voilà un peu ce qui a été le déclic, si je puis dire. Mais à l'origine, on faisait du catch une fois, comme on avait fait Jean Suny une fois. Mais quand on a vu l'ambiance extraordinaire qui a régné lors du premier gala, et puis bon, le but de nos spectacles est d'animer donc une commune rurale et tous les environs. Et deux, avec les résultats de nos spectacles, parce qu'on essaie de les gérer pour que ça se passe bien. Et nos spectacles ont permis ensuite de développer des actions sociales. Par exemple, on a envoyé les jeunes à la neige. Et en dernier, on a envoyé la classe de CM1, CM2 gratos. Les parents ne donnaient pas un centime et ils allaient 8 jours à la neige. Grâce au catch. Grâce au catch et aux autres spectacles qu'on a organisés. Dites-moi, c'était quoi cette affiche? Et racontez-moi ce premier gala de catch. Alors, donc moi je n'avais jamais vu de catch et Ben Chemoul m'a dit il faut quand même que vous voyiez un gala avant. Donc il m'a invité à un gala à Paris auquel j'ai assisté. Puis, c'était au Cirque d'Hiver, si mes souvenirs sont bons. J'étais un peu, surpris. De la réaction des personnes, c'était les jeux du cirque, finalement, avec tout un tas de débordements du public. Mais je me suis dit, voilà. Bon, enfin, c'était engagé, donc on l'a fait. Alors, comment ça a marché ici à Fontaine? Donc, on organise le catch, les gens viennent, la salle était remplie, c'était un ancien tissage. Alors, le premier combat, voilà comment l'ambiance s'est créée. Il y a le méchant, il y a le bon. Bon, le méchant passe au-dessus du ring, donc à mes pieds. C'était un sol en béton, ça claquait un fameux coup. Je me suis dit s'il ne pouvait pas remonter, mais c'était le gala. Donc il est reparti sur le ring, et puis quelques instants après, il passe de l'autre côté au-dessus du ring et tombe au pied du boulanger de l'époque. Le boulanger se lève, pof, il lui envoie un coup de poing. Le catcheur répond. Et le combat maintenant se déroule entre le catcheur et le boulanger de Fontaine de l'époque. Alors, tout le public, il y avait 600, 700 personnes, je ne sais plus. D'un seul coup, tout le monde s'est levé, l'ambiance a été créée et est restée au top. Et c'est comme ça depuis 42 ans. Bonjour Jean-Michel. Ça va ? Voilà. Alors voilà Charline, une enragée de catch. Bonjour Charline. Bonjour madame. Allez. Pourquoi dites-vous que vous êtes une enragée de catch ? J'aime bien le catch, j'aime bien qu'ils se font gentils, quoi. Ils donnent la main quand ils passent, ils nous embrassent, ils animent les enfants, quoi. Ça vous fait rêver, les catcheurs ? Ah ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais un frère qui était boxeur, alors... Bon, la boxe, c'est pas le même, mais le catch, c'est encore plus beau, je trouve. Et les catcheuses ? Oh, j'aime bien aussi, oui, oui, ils sont bien. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est impeccable. De toute façon, il faut impérativement prévenir les catcheurs au minimum 15 minutes avant pour qu'ils puissent savoir que dans 15 minutes, on attaque. Hein ? Là, je suis en train de me mettre un peu de synthol sur le haut du corps, pour le coup, puisque c'est une partie qui est très sollicitée dans les prises. Donc, ça évite d'avoir trop mal pendant le combat. Donc voilà, ça prépare un peu l'échauffement quand on a une salle où il n'y a pas beaucoup d'espace et où on doit s'entraîner différemment d'habitude. Hein, en fait, on n'a pas la possibilité de courir, on n'a pas la possibilité de faire beaucoup d'extensions. Donc il faut absolument habituer le corps à avoir des coups très rapidement et un peu ne pas justement choquer le muscle. Divine Zabella suit ses pères, donc elle se badigeonne de sa peau aussi. C'est l'ancienne, ça, c'est à l'ancienne. Tout, et après tu chauffes bien, ça rentre bien et ça t'évite, tes muscles sont bien chauds. Et puis les ligaments, il y a moins de problèmes. Parce que nous, les muscles, les ligaments, c'est important, il faut que ça soit bien, faut que ça soit de façon à tonifier maximum le muscle. Pareil pas, mais il faut que ton muscle, il réponde. Et puis là, on attend. Alors c'est stressant, toi. Il faut être bien chaud. Et vous, monsieur Jacky, Vous êtes prêt dans 5-10 minutes. Ça va commencer bientôt. Allez, donc je fais le premier. Ça, vous faites le premier. Dans 5 ou 10 minutes, vous êtes prêt ? D'accord. Alors, c'est qui, Divine Isabella ? L'Amazone du catch ? Jeune femme d'une trentaine d'années qui va commencer le catch à 17 ans parce qu'en fin de compte avait été championne de France de lutte hein, en 95-96. J'avais une ambition, c'était de revivre ce moment très intense du contact avec un public beaucoup plus nombreux lorsque vous allez dans des championnats de France plutôt que des combats régionaux. Donc tout simplement, Divine Isabella est venue par cette envie de continuer à faire un sport de combat, tout en alliant aussi un contact beaucoup plus proche avec le public. Alors Divine Isabella, c'est vous qui avez trouvé ce personnage ? En réalité, je m'appelle Isabelle et au niveau de la consonance, la plupart de mes fans, quand j'étais sur le ring, au moment des autographes, me disaient « qu'est-ce que vous êtes divine sur le ring ?» Donc c'est devenu divine sur le ring, c'est vrai une habitude. Donc Divine Isabella est donc apparue très très vite en 97-98. Alors ce soir, vous allez, comment on dit, combattre ? Oui, tout à fait, combattre. Contre un certain nombre d'adversaires, on se déteste entre adversaires, on vous voit quitter le ring sans vous serrer la main, sans vous adresser la parole. Non, je pense que comme tout... Ce qui a une différence aussi dans ce sport, c'est qu'on n'est pas obligé à la fin, comme en lutte ou dans certains sports, de se serrer la main quand on quitte le ring. Donc forcément, si on vous laisse la possibilité de choisir, en général, l'échec n'est pas facile en soi. Il faut pouvoir le digérer, ou alors la réussite est tellement explosive qu'elle vous fait pousser des ailes et que vous partez dans tous les sens. Donc dans les deux cas, comme vous n'êtes pas obligé de revenir vers votre adversaire, vous pensez à autre chose, vous pensez justement à vos fans, à tous ces gens qui sont là, à retrouver votre entraîneur qui peut peut-être vous dire super, le match était génial, ou alors au contraire tu n'as pas réagi assez quand ça s'est passé comme ça. Et c'est ce qui fait la différence, c'est pouvoir se remettre aussi en question quand on est en échec, même si on a gagné, de ne pas se sentir supérieur et de pouvoir se dire qu'on peut à nouveau rencontrer cet adversaire et perdre la prochaine fois. Parce qu'on a l'impression que ça peut faire partie aussi du décorum. On est la gentille divine Isabella face à la méchante une telle ou... Pas forcément, parce que ma tenue justement est faite dans ce but, c'est-à-dire que j'ai mis une couleur sombre. Et en général, les gentils, comme on dit dans le jargon, sont pas forcément habillés de couleur claire, enfin de couleur foncée. Au contraire, ils ont des couleurs claires. Donc c'est vraiment pour casser un peu cette image qu'on peut avoir des tenues, de la présence. Bon après, j'ai une façon de me défendre sur un ring qui est assez agressif en soi, mais j'ai un respect aussi par rapport à la réaction du public. Donc si le public, je sens que le public est avec moi, je vais forcément en redemander. Par contre, s'il est contre moi, je vais essayer de faire abstraction de tout ça et de dire j'ai un challenge, c'est de récupérer justement, de reconquérir un public qui aurait pu à un moment donné ne plus me soutenir. Le public, c'est lui qui décide ? Ah oui, tout à fait. Hein. C'est lui qui est seul maître en la matière. Hein. C'est comment voulez-vous influencer 500 personnes, 600 personnes juste avec une musique et une entrée. Je pense que c'est vraiment instinctivement que les gens choisissent pour qui ils ont envie d'applaudir ou pour qui ils ont envie de huer. Alors dites-moi, cet habit, vous l'avez depuis le début de votre carrière. 2-3 minutes, ça commence. Préparez-vous les présentateurs, s'il vous plaît. Depuis 82, mais j'ai changé. Hein. Les couleurs, dès qu'elles sont moins vives, on le change. C'est la marque de fabrique. Alors, on les fabrique où ? On les fait faire où, ces costumes ? Moi, j'ai une couturière. D'ailleurs, on a la même. C'est du sur-mesure, donc. Souvent, oui, tout à fait. C'est vraiment un trait à la personne. Il faut vraiment se sentir bien dans sa tenue pour pouvoir justement oublier certaines habitudes et pour justement se libérer à travers les prises. Quand vous faites des prises, si vous avez une tenue qui ne vous correspond pas du tout, vous vous sentirez pas à votre aise et vous partez déjà avec un handicap. Présentateur, s'il vous plaît, messieurs. Oui. S'il vous plaît. Hé, quelle une flèche. Ça va, la femme? Comment vas-tu? Bien, toujours. Ça va, les hommes? Hé, tout à l'heure, j'aurais un petit gamin qui est mon filleul. Je voudrais qu'il prenne une photo avec toi. Pas de problème. Pas de problème. Hein? Ok. Vérification qu'il n'y a rien de blessant, de coupant, de tranchant, aussi bien dans les paumes que sous les semelles. D'un côté, nous aurons... Thierry Isabella, qui tourne face à la petite Chanarelle. Mademoiselle, prêt ! Prêt ! Allez-y ! Je n'aime pas. Allez pas, juste ça. Et là, c'est parti. Vas-y, Isabelle, vas-y, Isabelle. Vas-y. À la bonnet, c'est normal. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est magnifique. C'est comme ça. Allez, c'est le porté, hein, mon vieux, elle est forte, hein. Ah ouais, mais allez-y, cette petite-là, hein. Vas-y, Isabelle, vas-y, fous-la à terre, vas-y. Tu vas gagner, allez. Juste. ça m'énerve. Bah si, c'est l'entrain, quoi. Et puis après... Hey, tu vas pas nous faire aller en temps, j'espère. Alors, vous passez une bonne soirée? Ouais, très bien. Non, mais j'ai l'ambiance, elle est bien. Et puis les gens et tout, puis venir voir les caches, et je trouve que c'est bien. Animé pour le cash, hein. Mon petit-fils est fort animé pour le cash. J'achète des maillots même. Alors, vous voyez bien. Même il y a même des photos des catcheurs ici à hein, sa chambre. Quand vous regardiez ça, vous aviez quel âge? Moi j'avais 8 ans. Ouais, moi aussi. Bah oui, hein. On a un an de différence, alors. J'en ai 64. Alors, on avait 8 ans, quoi. Hein. À ce moment-là, on se réunait tous les copains, les copines chez la maison. Les autres, ils n'avaient pas de télé. On n'avait pas de télé comme avant maintenant qu'on a des télés. Hein. On avait une télé noir et blanc. Hein. Alors, quelle année hein. Je ne sais plus quelle année, 61 peut-être. Ouais, dans les 61. Et puis, on était tout le monde, les copains, les copines. Et puis, on en regardait le cage. On était animés. Et mes parents faisaient de la tarte. Pour tous les copains, les copines. Voilà. C'est vieux tout ça. Hein. C'est vieux, hein. Quand on regardait, c'est vieux, hein. Alors, c'était bien. Alors ça, j'ai dit, on va aller revoir le cash. C'était un pick-up. Ah ouais, non, on était plusieurs copains à la maison, au moins une trentaine. Hein. On faisait des pommes de taille tout ouais, à saurer. Et puis on mangeait avec tous les copains, puis après on mettait en s'assis par terre. Maman, mais bon, dans le temps, on n'était pas comme maintenant. C'était noir et blanc, et puis on mettait une couverture par terre, et puis tout le monde est installé, on regardait. Magnifique. Et puis on criait, et puis tout. Allez, fous-y ça, et ceci. Ah ouais, mais maintenant, il n'y a plus rien maintenant. Hein. Ça. Il n'y a plus, maintenant, sans couleur. Et nous, c'était en noir et blanc, hein, que je vous parle. Alors, quelle année? À ce moment-là, hein, en noir et blanc. Ça fait longtemps. Sylvie, elle a 42 ans. Ma fille, elle a 42 ans. Elle habite à Calais. Et puis moi, j'ai 68, moi. Je me suis mariée. J'ai tombé avec les graisses, tout ça. Déjà là, il n'y avait pas de télévision. On n'avait pas de télévision en couleur avant. Hein. Non, c'était noir et blanc. Mais c'était bien. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Pour ça, on ne s'est jamais plat. Non, quand on regardait au soir la télé. Le matin, je faisais ça à cœur. Allez hop au boulot, hein. Vous faisiez quoi comme métier? Moi, j'étais des bobines, quoi, des navettes. Puis il y avait une filesse à côté, sur un métier, quoi. Moi, je faisais des navettes. Et puis après, on allait à la betterave, on allait à maçonneuse-batteuse, ramasser pommes de terre. Alors, on n'avait pas le temps, on n'avait pas d'argent, comme maintenant. On était à neuf, mes parents, ils regardaient vraiment. Pas de machine à laver, on prenait la planche, broche à chardon. Et puis on l'avait sur l'âge, on remettait tout lundi pour aller à l'école. Alors moi c'était bien. Moi je trouve qu'on vivait une belle vie. Mieux, on vivait mieux avant que maintenant. Vous trichez. Je fais mon travail, madame. Mais non, il y a de la tricherie. Tout à l'heure, c'est pas Domino qui avait pris la chaussure, c'est l'autre. Non, mais non, c'est pas lui, c'est qui? Qui c'est qu'il a dans la main? L'autre, qui l'avait avant. Je vois pas clair. Non, je vois pas. Les lunettes. Non, mais c'est qui c'est qui a mis le coup? Vous l'avez vu, c'est Domino qui a mis le coup. L'autre monsieur avait commencé déjà. C'est pour ça qu'après lui, il a continué. Vous dites n'importe quoi aussi. Mais non, c'est vous qui dites n'importe quoi. On peut pas vous faire confiance. C'est vous qui faire l'arbitre après. On peut pas après. Vous faire confiance, on peut pas. C'est pour ça qu'on en est là, madame. Voilà, taisez-vous les mots. Ah, monsieur Jacky, vous avez été conspué par la foule. Quoi? Vous avez été conspué. Je fais mon travail, c'est tout. C'est le public qui est pas bien. Moi, je fais mon travail. Et ce soir, je crois que je vais disjoncter. Ce soir, j'en ai plein le cul. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Je sais rien du tout. Je suis remonté, c'est tout. J'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est tout. Je fais mon travail et ça va pas. Voilà. Je fais mon travail d'arbitre. Et les gens, ils sont pas contents. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Peut-être des tartes dans la gueule, je sais rien. Là, je suis excité, là. Je suis sous pression, là. Ah non, puis là, je suis... J'ai la cocotte, elle va exploser. Voilà. C'est bon. Jean-Marc. Bonjour, Flèche. T'as 800 personnes. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Non, c'est vrai ou pas? On ne sera pas loin. Alors dites-moi, monsieur le maire, vous l'avez connu Genot, Flash Gordon? Ah oui. Et je leur ai amené la... 1986. Ah, 86, ouf. La première fois, c'était en 85 que tu es venu. Ouais. Pour dire qu'il a toujours rempli, rempli. Ouais, il a toujours eu des bons combats. Et ça a toujours été rempli. C'est pour ça que le phénomène n'est pas de maintenant, quoi. Le phénomène, ils le connaissent depuis tout le temps. J'ai toujours pris le meilleur plateau et les catcheurs au top niveau. Le premier gala auquel tu es venu, où j'ai retrouvé en 85, il y avait encore Walter Bond. Ouais, Walter, là, il est là aussi. On était ensemble en ensemble en équipe. Et après, j'ai fait équipe avec Prince Zefi pendant des années. Alors, monsieur le maire nous a apporté cette affiche. Ouais. Et là, on peut vous voir. Voilà, avec les chelons. Voilà, c'est là. Et puis Walter Bord qui faisait équipier avec René Benchimoul. Mais là, René Benchimoul avait terminé. Puis Walter, j'ai fait équipe avec Walter. Ouais, c'est vrai. Alors dites-moi, les fabuleux Lilliputiens, c'est quoi ça? Ben, il y avait à l'époque un combat, il y avait eu un combat de Lilliputiens. C'était pas Lilliputiens, parce que c'était des nains. Et il y avait Hassan, qui était à l'époque la mascotte d'Aller les Verts de Saint-Etienne, qui était l'ami de Platini, il est décédé, le petit Hassan. Et il avait fait un match d'exhibition contre El Puma Negro, qui était un petit noir, un petit antillais qui venait de Hollande. Ça, je m'en souviens en plus, c'était sympa. On dit de vous que vous avez révolutionné le catch, que vous avez fait passer le catch qui existait après-guerre en France à un catch beaucoup plus moderne. Non, ce qui est vrai, quand moi je suis arrivé dans le catch en 78, et quand j'ai côtoyé les grands noms de l'époque qui étaient en déclin. C'est qui? Il y avait Gilbert Leduc, Marcel Monréal, Fred Magnier, Pierre Bernard, Petit Prince, tous ces gars-là. Bon, et ben ils étaient, c'était une décennie qui se terminait. Moi, je suis arrivé, j'étais un peu le minot à l'époque. J'avais les cheveux longs, j'étais blondiné et tout. Je suis parti pour faire mes armes à l'étranger. Mais quand je suis revenu après, je suis revenu, dans les années 81. J'ai eu contact avec Antenne 2 qui voulait faire du catch, mais un catch nouvelle vague, on va dire. Et puis comme moi, j'avais beaucoup d'amis sud-américains et j'avais une façon de lutter qui était totalement différente. C'était beaucoup plus, on va dire, c'était un catch. Moi, je suis plus catch sportif que catch de l'époque. On va pas dire catch à la pépère, mais c'était un catch un peu ringard. Il y avait 4-5 prises et puis c'était un règlement obsolète. C'était plus ce que voulaient les gens. Et puis moi, quand je suis arrivé, c'était la fin de tout un système. Et puis il n'y avait plus de monde dans les salles. Moi, je voyais pas. Il y avait 150 personnes. C'était pas. Il n'y avait plus d'attrait, il n'y avait plus d'intérêt. Hein. Ils ont. Parce qu'ils avaient tombé. Déjà, il y a eu des choses qui ont été mal faites. Il y a eu l'Ange Blanc. Les promoteurs, pour la petite histoire, moi, je n'ai pas connu. Hein. Moi, je répète ce que l'on m'a dit et ce qui est vérifiable. Il y avait un personnage qui s'appelait l'Ange Blanc, qui est un personnage qui marchait très bien, qui avait été créé, je crois, par Dargé. Et puis, qui commentait avant Couder, ils avaient fait un Ange Blanc. L'Ange Blanc, c'est un masque blanc qui ressemblait à le masque du Mexique, qui était un gars bien, Dol Santos, qui fait des films. Et puis, donc, l'Ange Blanc a fonctionné. Et après, comme ça fonctionnait tellement bien, tous les promoteurs de l'époque, c'est beaucoup de promoteurs en France, ils ont fait un Ange Blanc. Ils ont mis une cagoule sur des... Et quand le Robert Lajac, qui était le promoteur de l'Ange Blanc, a vu ça, la télé était en direct. Et en direct, un samedi soir, dans les années 72-73, il a fait démasquer son Ange Blanc devant tout le monde. Donc tous les gens qui avaient le RTF à l'époque, qui regardaient, puis ils ont vu l'Ange Blanc démasqué. Ce qui fait que ça a annihilé tous les faux Ange Blanc. Ce qui fait que les salles, les gens, ils sont trouvés qu'ils avaient été marrons souvent. Et ils ont commencé à bouder le catch. Et moi, quand je suis arrivé... Les gens disaient, attendez, le catch, c'est très beaucoup de supercherie. C'était que ça, hein, parce qu'il faut pas. Et on a relancé le système avec un catch neuf. Et c'est vrai que depuis 82, 83, le catch, il fonctionne vraiment bien en France. Il marche. Le catch, les gens qui viennent le voir, ça doit être un grand spectacle sportif. Si c'est un truc où ils sont obligés de compter, on va tomber dans le système judo, lutte, compétition et on va s'embêter, quoi. Et moi, j'ai vu des gens au cirque d'hiver, véridique, j'ai vu des gens au cirque d'hiver presque s'endormir à des matchs de catch. Si vous venez au catch pour vous endormir, il faut aller à un concert de Saint-Preux, je sais pas. Le catch, on s'embête pas, quoi. Le catch, ça doit toujours être vivant. Dès l'instant où on commence à dire, bon, moi, je m'emmerde, c'est pas bon. Monsieur, prêt, arrêtez. Et c'est parti. watch of the prophecy comes true. Ça, il a fait une souplesse de la troisième corde. Je suis une souplesse de la troisième corde. Incroyable. Ouais. Bon. Vas-y. Un, deux, trois. Merde. Il a fait le marteau au pilon. Du maître des portes de l'enfer, va voir. Monsieur, il a fait le marteau au pilon. Belle Justine, alors ce que je vais faire là, et comme tu es très belle, je te mets un petit cœur. Tu ne montres pas à ton fiancé, c'est tout ce que je te demande, hein, parce qu'après je ne pas avoir des problèmes avec lui, d'accord? Merci Justine, serre-moi la main. Tu as des beaux yeux, Justine. Il faut qu'il signe, hein, il faut que sa signature. Au moins, on aura un bon souvenir pour l'année prochaine. Il faut une signature, hein. Oui, mais il n'y a qu'à patienter, voilà. Vous aurez la signature. Voilà. Fais signer Isabella, Fleck. Fais signer Isabella. Ah, d'accord. Je vais voir, mais attends. Ouais, parce qu'on t'aime bien, et puis Isabella. Ah bon? Allez, genre, vous avez fait un beau match, magnifique. Eh bien, comme t'es gentille, Jacqueline, je te fais un cœur, tu ne montres pas ton mari. Hein. Ben, je te remercie quand même, c'est très bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, merci. Isabella va signer. Et là, c'est pour Kevin. Ah bah c'est super gentil. Voilà. Puis à bientôt. Ben j'espère, on verra. Vous venez encore, on vous fera rêver un peu. Merci. D'accord. On n'a plus de voix. Eh ben toi, c'est que c'est bien. Et il est où, voilà. Kevin? C'est des vrais. C'est Kevin. Là. Ah ben je peux pas. Isabelle, c'est à moi. Pardon. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt, allez. Bisous, hein. Allez, au revoir. Voilà, il y a un site Camille sur le Canadcatch qui vous a été présenté dans le cadre des festivités de début. Je remercie encore, je remercie les arrières. Merci au chaleureux public de Méru et de Fontaine au Pire. Merci à Franck Milsan, à Monsieur Jackie, Divine Isabella, Flèche Gordon, Jimmy Gavroche, Jerry Mota et à Prince Zéphy. Merci également à Jean-Marie Lemaire, au Petit Duc et une mention toute spéciale à Yanis Bouzard, sans doute le plus grand fan de catch de France. C'était Attrape-moi comme tu peux, un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisation Rafik Zénine, mixage Éric Villenfin. Footballeuse, sprinteuse, tenniswoman, boxeuse, entraîneuse, préparatrice et championne, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans les vestiaires, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons questionner les motivations des engagés volontaires. Mais en attendant, restez à l'écoute.